Le rayon vert, chapitre 4. En descendant la Clyde. Le lendemain, 2 août, à la première heure, Miss Campbell, accompagnée des frères Melville, suivie de Partridge et de Dame Bess, montait dans le train à la station du Railway d'Ellensburg. Il fallait aller prendre à Glasgow le bateau à vapeur qui, dans son service quotidien de la métropole à Auban, ne faisait point escale à ce point de la côte. À 7 heures, le train déposait les 5 voyageurs à la gare d'arrivée de Glasgow et une voiture les conduisait à Broom Yellow Bridge. Là, le steamer Columbia attendait ses passagers. De ses 2 cheminées s'échappait une fumée noire qui se mêlait aux brumes encore épaisses de la Clyde. Mais toutes ces vapeurs matinales commençaient à se résoudre et le disque plombé du soleil se nuançait déjà de quelques teintes d'or. C'était le début d'une belle journée. Miss Campbell et ses compagnons, après que leurs bagages eurent été mis à bord, s'embarquèrent aussitôt. En ce moment, la cloche envoyait au retardataire son 3e et dernier appel. Puis le mécanicien balança sa machine, les palettes des roues, mues en avant, en arrière, soulevèrent de gros bouillons jaunâtres, un long coup de sifflet retentit, les amarres furent larguées et le Columbia prit rapidement le fil du courant. Dans le Royaume-Uni, les touristes auraient mauvaise grâce à se plaindre. Ce sont de magnifiques bâtiments que les compagnies de transport mettent partout à leur disposition. Il n'est si mince cours d'eau, si petit lac, si infime golfe, qui ne soit sillonné chaque jour d'élégants bateaux à vapeur. Rien d'étonnant, donc, à ce que la Clyde soit des plus favorisés sur ce rapport. Aussi, le long de Broom Yellow Street, au cale du Steamboat Quay, les steamers, leurs tambours peints des plus vives couleurs, ou l'or le dispute au cinabre, stationnent-ils en grand nombre, toujours fumant, prêts à partir en toute direction. Le Columbia ne faisait point exception à la règle. Très long, très effilé de l'avant, très fin dans ses lignes d'eau, pourvu d'une machine puissante actionnant des roues d'un large diamètre, c'était un bateau de grande marche. À l'intérieur, tout le confort possible dans ses salons et ses salles à manger. Sur le pont, un vaste spar deck, abrité d'une tente au léger lambrequin, avec des bancs et des sièges aux coussins moelleux, véritable terrasse entourée d'une élégante rambarde sur laquelle les passagers se trouvaient en belle vue et en bon air. Les voyageurs ne manquaient pas. Ils venaient un peu de partout, aussi bien de l'Écosse que de l'Angleterre. Ce mois d'août est par excellence le mois des excursions. Entre toutes, celles de la Clyde et des Hébrides sont particulièrement recherchées. Il y avait là de ces familles au grand complet dont l'union avait été généreusement bénie du ciel. De jeunes filles très gaies, des jeunes gens plus calmes, des enfants habitués déjà aux surprises du tourisme, puis des pasteurs toujours fort nombreux à bord des steamers, le haut chapeau de soie sur la tête, la longue redingote noire à collet droit, le liseré de la cravate blanche au châle du gilet, puis plusieurs fermiers coiffés de la toque écossaise et rappelant par leurs allures un peu lourdes les anciens Bonnet Lairds d'il y a quelque 60 ans. Enfin, une demi-douzaine d'étrangers, de ces Allemands qui ne perdent rien de leur poids, même au dehors de l'Allemagne, et 2 ou 3 de ces Français que n'abandonne jamais leur amabilité géniale, même hors de France. Si Miss Campbell eût ressemblé à la plupart de ses compatriotes, qui s'asseyent en quelque coin dès qu'elles sont embarquées et ne bougent de tout le voyage, elle n'aurait vu des rives de la Clyde que ce qui serait passé devant ses yeux sans même remuer la tête. Mais elle aimait à aller et à venir, tantôt à l'arrière du steamer, tantôt à l'avant, regardant les villes, bourgs, villages, hameaux, dont ses rives sont incessamment semées. D'où cette conséquence que le frère Sam et le frère Sib, qui l'accompagnaient, lui répondant, approuvant ses observations, confirmant ses remarques, ne devaient pas prendre une heure de repos entre Glasgow et Oban. D'ailleurs, ils ne songeaient point à s'en plaindre. Cela rentrait dans leur fonction de garde du corps, et ils suivaient d'instinct, en échangeant quelques bonnes prises, qui les maintenaient en belle humeur. Dame Bess et Partridge, ayant pris place à la partie antérieure du spar deck, causaient amicalement du temps passé, des usages perdus, des vieux clans en désorganisation. Où étaient ces siècles d'autrefois, à jamais regrettables? À cette époque, les purs horizons de la Clyde ne disparaissaient pas derrière l'expectoration carbonifère des usines. Ses rives ne retentissaient pas du coup sourd des marteaux pilons, ses eaux calmes ne se troublaient jamais sous l'effort de quelques milliers de chevaux vapeur. Ce temps reviendra, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, dit Dame Bess d'un ton convaincu. Je l'espère, répondit gravement Partridge, et avec lui, nous reverrons les vieilles coutumes de nos ancêtres. Cependant, les bords de la Clyde se déplaçaient rapidement de l'avant à l'arrière du Columbia, comme les sites d'un panorama mouvant. À droite se montrèrent le village de Patrick, sur l'embouchure du Kelvin, et les vastes docks destinés à la construction des navires en fer qui font vis-à-vis à ceux de Govan, situés sur la rive opposée. Que de bruit de ferraille, que de volutes de fumée et de vapeur, si déplaisants aux oreilles et aux yeux de Partridge et de sa compagne. Mais tout ce fracas industriel, tout ce brouillard de charbon, allait cesser peu à peu. À la place des chantiers, des cales couvertes, des hautes cheminées de fabriques, de ces gigantesques échafaudages de fer qui ressemblaient aux cages d'une ménagerie de mastodontes, apparurent de coquettes habitations, des cottages enfouis sous les arbres, des villas du type anglo-saxon dispersées sur les collines vertes. C'était comme une succession ininterrompue de maisons de campagne et de châteaux qui se déroulaient d'une cité à l'autre. Après l'ancien bourg royal de Renfrew, situé sur la gauche du fleuve, les collines boisées de Kilpatrick se profilèrent, à droite, au-dessus du village de ce nom, devant lequel un Irlandais ne peut passer sans se découvrir. Là est né Saint Patrice, le protecteur de l'Irlande. La Clyde, de fleuve qu'elle avait été jusqu'alors, commençait à devenir un véritable bras de mer. Dame Bess et Partridge saluèrent les ruines de Dunglass Castle qui rappellent quelques vieux souvenirs de l'histoire d'Écosse. Mais leurs yeux se détournèrent de l'obélisque, élevé en l'honneur de Harry Bell, l'inventeur du premier bateau mécanique dont les roues troublèrent ces eaux paisibles. Quelques milles plus loin, les touristes, leur Murray à la main, contemplaient le château de Dumbarton, qui se dresse à plus de 500 pieds sur son rocher basaltique. Des deux cônes de son sommet, le plus élevé porte encore le nom de Trône de Wallace, l'un des héros des luttes de l'indépendance. À ce moment, un gentleman, du haut de la passerelle, sans que personne l'en eût prié, mais aussi sans que personne songeât à le trouver mauvais, crut devoir faire une petite conférence historique pour l'instruction de ses compagnons de voyage. Une demi-heure après, il n'était plus permis à un seul passager du Columbia, à moins d'être sourd, d'ignorer que, très probablement, les Romains avaient fortifié Dumbarton, que ce rocher historique se transforma en forteresse royale au commencement du XIIIe siècle, que, sous le bénéfice du pacte de l'Union, il compte parmi les quatre places du royaume d'Écosse qui ne peuvent être démantelées, que, de ce port, Marie Stuart, en 1548, partit pour la France, dont son mariage avec François II allait la faire reine d'un jour. Que là, enfin, Napoléon avait dû être renfermé, en 1815, avant que le ministère Castlereagh n'eût résolu de l'emprisonner à Sainte-Hélène. « Voilà qui est fort instructif, » dit le frère Sam. « Instructif et intéressant, » répondit le frère Sib. « Ce gentleman mérite tous nos éloges. » Et de fait, les deux oncles n'avaient pas cru devoir perdre un seul mot de la conférence. Aussi accordèrent-ils quelques marques de satisfaction au professeur improvisé. Miss Campbell, absorbée dans ses réflexions, n'avait rien entendu de cette leçon d'histoire courante. Cela, en ce moment du moins, n'était point pour l'intéresser. Elle ne donna même pas un regard, sur la droite du fleuve, aux ruines du château de Cardross, où mourut Robert Bruce. Un horizon de mer, voilà ce que cherchaient vainement ses yeux. Mais il ne pouvait l'apercevoir avant que le Columbia se fût dégagé de cette succession de rives, de promontoires et de coteaux qui limitent le golfe de Clyde. D'ailleurs, le steamer passait alors devant la bourgade d'Ellensburg. Port Glasgow, les restes du château de Newark, la presqu'île de Rosenheath, c'était ce que la jeune châtelaine voyait chaque jour des fenêtres de son cottage. Aussi se demandait-elle si le steamer ne naviguait pas sur les capricieux cours d'eau du parc. Et plus loin, pourquoi sa pensée aurait-elle été se perdre au milieu des centaines de navires qui se pressaient dans les bassins de Greenock à l'embouchure du fleuve? Que lui importait que l'immortel Watt fût né dans cette ville de 40 000 habitants qui est comme l'antichambre industrielle et commerciale de Glasgow? Pourquoi, 3 000 au-delà, eût-elle arrêté ses regards sur le village de Gourock à gauche, sur le village de Dunoon à droite, sur les fjords dentelés et sinueux qui mordent si profondément les cordons littoraux du comté d'Argyll, échancrés comme une côte de Norvège? Non, Miss Campbell cherchait impatiemment des yeux la tour en ruine de Leven. S'attendait-elle à y voir apparaître quelques lutins? Pas la moins du monde. Mais elle voulait être la première à signaler le phare de Clock qui éclaire la sortie du Firth of Clyde. Le phare apparut enfin comme une gigantesque lampe au tournant de la rive. « Clock, oncle Sam, » dit-elle. « Clock, Clock !»« Oui, Clock, » répondit le frère Sam avec la précision d'un écho des Highlands. « La mer, oncle Sib !»« La mer, en effet, » répondit le frère Sib. « Que cela est beau !» répétèrent les deux oncles. On aurait pu croire qu'ils la voyaient pour la première fois. Il n'y avait pas d'erreur possible. À l'ouvert du golfe, c'était bien un horizon de mer. Cependant, le soleil n'avait pas encore dépassé le milieu de sa course diurne. Sous le 56e parallèle, 7 heures, au moins, devaient donc s'écouler avant qu'il ne disparût sous les flots, 7 heures d'impatience pour Miss Campbell. D'ailleurs, cet horizon se dessinait dans le sud-ouest, c'est-à-dire sur un segment d'arc que l'astre radieux n'effleure qu'à l'époque du solstice d'hiver. Ce n'était donc pas là qu'il fallait chercher l'apparition du phénomène. Ce serait plus à l'ouest, et même un peu au nord, puisque les premiers jours du mois d'août précèdent de 6 semaines l'équinoxe de septembre. Mais peu importait, c'était la mer qui se développait maintenant devant le regard de Miss Campbell. À travers l'entre-deux des îles Cumbrae, au-delà de la grande île de Butt, dont le profil s'adoucissait d'une estompe légère, au-delà des petites crêtes d'Isla Craige et des montagnes d'Arran, la ligne du ciel et de l'eau se traçait, au large, avec la netteté d'un trait fait aux tirelignes. Miss Campbell l'observait, tout entière à sa pensée, sans prononcer une parole. Debout sur la passerelle, immobile, le soleil lui faisait à ses pieds une ombre très raccourcie. Elle semblait mesurer la longueur de l'arc qui le séparait encore du point où son disque éclatant irait se tremper dans les eaux de l'archipel hébridique. Pourvu qu'à ce moment le ciel, si pur alors, ne fût pas obscurci de vapeurs crépusculaires. Une voix tira la jeune rêveuse de sa rêverie. « Il est l'heure !» dit le frère Sib. « L'heure ? Quelle heure, mes oncles ?»« L'heure du déjeuner !» dit le frère Sam. « Allons déjeuner !» répondit Miss Campbell.